comment l'avènement de la radio a changé le sens du direct. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'à la fin du XIXe siècle, la parole a été diffusée en direct par des interlocuteurs qui étaient présents dans un même lieu. Mais l'invention de la radio a provoqué le développement de la communication à distance, grâce à des moyens techniques qui ont permis aussi d'enregistrer les paroles et donc d'opposer le direct au différé. Ces bouleversements se sont produits en France à partir des années 1920, quand la première station de radio, qui émettait depuis la Tour Eiffel, a vu le jour. Sa première émission fut diffusée le 24 décembre 1921. À l'époque, comme le matériel était encore peu adapté à la transmission de la voix et encore moins de la musique, Radio Tour Eiffel n'émettait qu'une demi-heure par jour. Par la suite, les programmes s'étaient offerts progressivement. Ils commençaient généralement par la lecture des prévisions météorologiques, suivies par des émissions musicales animées par des chanteurs et des orchestres. Les retransmissions se faisaient en direct, mais uniquement en studio. Cette radio d'État fut immédiatement concurrencée par des stations privées bénéficiant des autorisations temporaires accordées par les pouvoirs publics. La société française Radio Électrique, SFR, qui fabriqua en série les premiers postes récepteurs français sous la marque Radiola, créa une station généraliste du même nom qui connut d'emblée un grand succès. Rebaptisée Radio Paris à partir de 1924, elle passa sous le contrôle de l'État en 1933. C'est sur cette antenne que s'imposa Marcel Laporte, le premier journaliste vedette de la radio, qui se faisait appeler Radiolo. Il fut le premier présentateur du journal parlé. Toutefois, à cette époque, comme c'est la presse écrite qui fournissait les informations, Radiolo se contentait de lire les articles publiés par les grands quotidiens parisiens. Tout le monde croyait encore que l'unique fonction de la radio consistait à retransmettre du théâtre ou de la musique. Grâce aux événements sportifs, les choses changèrent néanmoins rapidement. Les combats de boxe, qui étaient très populaires, commencèrent à être retransmis en 1923 par Edmond de Horterre, lui aussi embauché par Radiola. Il joua un rôle pionnier dans l'invention d'une forme de direct qui imposait aux journalistes de quitter son studio pour assister aux événements qu'il commentait. Le Tour de France fut le véritable laboratoire du radio-reportage. Les directs d'Edmond de Horterre permettaient aux auditeurs d'être informés du déroulement de la course bien avant les lecteurs de journaux. Cette concurrence fut jugée déloyale par les journalistes de la presse écrite, à tel point qu'en 1924, lors des Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs interdirent à De Horterre l'accès du stade de Colombes lors de la finale du tournoi de football Uruguay-Suisse. De Horterre, hors de lui, décida de survoler le stade en ballon pour pouvoir malgré tout commenter le match. Mais les vents contraires l'empêchèrent de réaliser son reportage. Fréquentant assidûment tous les stades du pays avec sa casquette et ses calembours, De Horterre est devenu une figure familière du milieu sportif français dans l'entre-deux-guerres.